Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet. C'est la saga des femmes fortes numéro 569 sur RIG 90.7 qui est la radio des Beatles le mercredi entre 20h et 22h. Et aujourd'hui, puisque c'est la dernière de la 39e saison, j'ai eu l'autorisation, puisque Eric ne sera pas là ce soir, de prolonger un tout petit peu, de vous donner une toute petite partie de ce que je préfère de Paul McCartney. Une toute petite partie qui durera 3 heures. Au moins jusqu'à 23h à peu près, quelque chose comme ça. J'ai 52 titres de programmés et j'y suis allé tranquille. J'en avais beaucoup d'autres encore sous le pied, j'aurais pu faire bien mieux encore. Et puisque l'avant-dernière fois, on avait passé des titres mais pas dans l'ordre, et bien là ce coup-ci je les ai mis dans l'ordre, entre 1970 et 2020. Ça va être bien. Donc prenez du café, prenez des boissons sucrées, parce qu'il va falloir tenir le coup. D'ailleurs, si vous pouviez m'en apporter à la radio, ce serait bien, parce que j'ai totalement oublié d'apporter de l'eau ou quoi que ce soit. Et tenir jusqu'à 23h, ça va être chaud. Mais bon, si vous ne pouvez pas, hein, si vous êtes trop loin, genre Paris, genre Belgique, genre Allemagne, Japon, États-Unis, peut-être univers, on ne sait jamais, ne vous fatiguez pas à venir à la radio, on s'en passera. Voilà, vous voulez que je vous donne les titres ? Ah bah non, je vais vous les cacher jusqu'au bout parce que j'ai des trucs à dire. Et puisque c'est la dernière, je vais les dire, les trucs. On se retrouve dans quelques secondes pour le début de la saga. Premier titre, 1970, premier album solo, Every Night sur RIG. Every night I just wanna go out, get out of my head. Every day I don't wanna get up, get out of my bed. But tonight I just wanna stay in and be with you. And be with you. En 1970, les rockers des années 60 approchaient la trentaine déjà. Peu d'entre eux étaient capables d'exprimer la joie d'avoir cet âge en musique. À ce stade, faire l'éloge de sa femme ne semblait pas être cool. Paul McCartney, le seul Beatles à être capable de faire un album solo, il a joué de la guitare, de la basse, des claviers, de la batterie sur l'album, n'avait pas à s'inquiéter de ne pas paraître cool aux yeux de ses anciens camarades Beatles. Alors il a écrit une ode à sa solide relation avec Linda. C'était cette chanson que vous venez d'entendre, Every Night sur RIG. be something. It really would be something. That would be something. To meet you in the falling rain, mama. Meet you in the falling rain. Beach in the falling rain, mama. Beach in the falling rain. That would be something. Really would be something. That would be something. Beach in the falling rain, mama. Beach in the falling rain. Falling rain, mama. Beach in the falling rain. Beach in the falling rain, mama. Beach in the falling rain. That would be something. It really would be something. That would be something. To meet you in the falling rain, mama. Beach in the falling rain. Beach in the falling rain, mama. Beach in the falling rain. Du même album. Merci Paul, quand tu veux, quand tu veux arrêter, c'est bon. That Would Be Something, Paul McCartney en 1970 sur l'album McCartney. C'est juste Paul qui chante, joue de la guitare acoustique et de la basse, tout comme de la batterie. C'était surprenant d'entendre un gars qui a mené les Beatles au travers de productions comme Let It Be ou Abbey Road faire un enregistrement aussi dépouillé avec des paroles aussi simples. Mais That Would Be Something était plus un blues quelconque qu'un rock destiné au stade. The office where the papers grow, she takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. Un petit clin d'œil à Souchon et Woolsey, puisque eux se sont largement inspirés de ça pour écrire leur chanson J'ai 10 ans, j'ai 10 ans, etc. Écoutez, les deux côte à côte, c'est McCartney qui l'a fait le premier, mais il y a quand même une grosse ressemblance de la part de. Ben, après tout, ils sont fans, hein, tous les deux. Bon. Et puis à l'instant, Another Day, le single en 1971. Une chanson que Paul a écrite pendant qu'il était avec les Beatles, qu'il a enregistrée pendant les sessions de Ram. Another Day finalement ne fait pas partie de l'album. Les gens ont été très critiques envers la voix de Linda, qui pourtant est très très bien mixée avec celle de Paul sur cette chanson. Là, lui, il a toujours su faire. Clin d'œil à quelqu'un d'autre ? Non, pas ce coup-ci, pas ce soir. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur BeatlesMagazineUK.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur BeatlesMagazineUK.com. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même 8 jours, 8 days a week. Lovely Rita est partie un petit peu trop vite, mais vous avez compris, c'est pour tout savoir sur les Beatles, il faut aller sur BeatlesEK.com. Voilà, la suite c'est maintenant dans la saga des Fab Four. We're so sorry, Uncle Albert. We're so sorry if we caused you any pain. We're so sorry, Uncle Albert. But there's no one left at home, and I believe I'm gonna rain. Oh, sorry, but we haven't heard a thing all day. We're so sorry, Uncle Albert. But if anything should happen, we'll be sure. Uncle Albert, Admiral Halsey sur RIG dans la saga des Fab Four, numéro 569. Ce soir, on rend hommage à Paul McCartney avec plus de 50 titres pendant plus de 3 heures. C'est la dernière saga de la saison 39. On va laisser passer 2 mois pour se rafraîchir un petit peu. Et en septembre, on reviendra pour la 40e saison. Et je compterai sur vous au mois d'avril 2024 pour vraiment la fêter ce moment-là. Ce sera vers le milieu du mois. On mettra ça au point d'ici l'année prochaine. Rassurez-vous. Est-ce que j'ai dit quelque chose sur Uncle Albert, Admiral Halsey? En fait, c'est le premier numéro 1 américain de Paul après les Beatles. Et il était plus une réminiscence de la phase B d'Abbey Road. Il combine des petits fragments de chansons qui semblent totalement différents les uns des autres, mais qui, grâce au talent de Paul, fonctionnent parfaitement ensemble. Le talent de Paul, vous l'entendez aussi dans cette chanson, sur le même album, c'est Dear Boy, sur RIG. I guess you never knew, dear boy. Deux ans plus tard, en 1973, Live and Let Die, extrait de la bande originale du film Live and Let Die, le meilleur thème de James Bond ainsi que le meilleur de Paul post-Beatles à ce moment. Cette chanson a réuni Paul et son ancien producteur George Martin. Live and Let Die est le seul moment de pyrotechnie de ces concerts, que je déteste donc puisque j'ai peur des détonations, mais c'est un grand moment quand même que tout le monde aime. When you were young. An open book. You used to say, live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die. Live and let die. cette même année, il explose, Paul McCartney, avec l'album Ben on the Run, sorti en 1973. Paul était une icône dans les années 60 avec les Beatles, mais en tant qu'artiste solo, il a parfaitement rempli la playlist radio des années 70 avec cette chanson, Ben on the Run, avec Jet, avec Let Me Roll It, qu'on écoute à la suite sur RG. I McCartney arrive dans la saga des Fab Four. Rendez-vous compte, on est en 1973, 45 minutes après le début de l'émission. On n'a fait que 3 ans. Et encore, ça n'est pas terminé. On va rester encore un petit peu en 1973. Cette chanson que vous venez d'entendre, Let Me Roll It, volontairement ou pas, mais je pense volontairement, Paul imite John complètement sur ce titre. Le riff de guitare, la voix avec de la réverbération, et jusqu'à la fin du morceau, le cri primal. Là. Wow, je vais pas vous l'imiter parce que je n'ai pas la voix pour. John aurait pu la chanter. D'ailleurs, avec l'intelligence artificielle, je vous lance un défi, les gars. Mais bon, je suis pas... Vous faites ça quand vous voulez, vous me le proposez, mais ça reste une curiosité et rien d'autre. On reste en 1973, encore 2 fois, il me semble, parce que cet album est fantastique. Voici Bluebird, d'abord, et 1985, pour terminer l'année 1973. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah. Touch your lips with a magic kiss, and you'll be a bluebird too. And you'll know what love can do. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah. Bluebird. Paul McCartney a souvent dit qu'il démarrait avec une phrase, puis qu'il construisait la chanson autour. Comme il dit dans Paul McCartney in his own words, « Avec Eleanor Rigby, j'ai commencé par le riz dans l'église dans laquelle un mariage avait eu lieu. C'était la phrase qui a tout déclenché. Ici, c'était « No one ever left alive in 1985 ». C'est tout ce que j'ai eu pendant des mois. « No one ever left alive in 1986 ». Ça n'aurait pas marché. Eh oui, ça tient un peu quelquefois. McCartney, le meilleur jusqu'à 23h et plus sur RIG. 90.7, c'est la radio de Paul McCartney. avec Drive My Car, c'est l'une des meilleures chansons de route, entre guillemets, de Paul McCartney. All right, okay. Very good to see you down New Orleans, man. Yeah, Harry. Yeah, yeah. Anytime, any day, you can hear the people say that love is blind. Well, I don't know, but I say love is kind. Soldier boy kisses girl. That people will find a way to go no matter what the man says. And love is fine for all we know. For all we know, our love will grow. That's what the man says. So won't you listen to what the man says? He said, parfois, tout ce dont tu as besoin, c'est un saxo. Paul n'était pas satisfait de la chanson jusqu'à ce qu'il eut l'idée d'ajouter du saxo. Quelqu'un dans le studio a appris que Tom Scott, un saxophoniste bien sûr, vivait à 30 minutes de là. On l'a appelé, il est venu et la chanson est montée dans les charts. Paul laisse à chacun l'idée de ce qu'est l'homme qui parle. I'd like to know, 'cause here I go again. coming on. Heure et quart en compagnie de Paul McCartney et on est loin, très loin d'avoir fini puisque nous n'avons défriché que 16 chansons pour l'instant et 52 sont programmées pour aller jusqu'à la fin de cette émission, la 569e saga des Fab Four sur RIG 90.7. C'est vraiment la radio des Beatles et là ce soir, pour la dernière de la saison, c'est la radio de Paul McCartney. En 1978, McCartney cessait à mettre les synthétiseurs en avant. C'est une réussite. Voici With a Little Luck sur RIG, extrait de London Town. There is no end to what we can do together. saga des Fab Four all over the world. As I don't speak any Japanese, I want to say hi to Yuji Takahashi from Japan. He's the Far East man. Hello to lovely Rita from London. Hello to Island Silver from the East Coast of the USA and many others. Et aussi ceux qui comprennent le français. Merci à vous toutes et tous d'être là depuis tant de temps parce que ça fait vraiment plaisir et grâce à RIG, on peut être entendu partout dans le monde grâce au www.rigfm.fr. C'est un grand, grand, grand plaisir d'être avec vous chaque mercredi entre septembre et juin de l'année d'après. Nous en sommes à la fin de la 39e saison. Au mois de septembre, on démarre la 40e. Composé en plein été, ça c'est du McCartney. Wonderful Christmas Time sur RIG. The mood is right, the spirit's up, we're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here, that only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song. Parlons du Japon, si vous le voulez bien. En 1980, Paul McCartney veut faire une tournée au Japon. La tournée avorte complètement parce qu'il est pris à la frontière avec un petit peu de drogue, je ne sais plus si c'est du cannabis ou je ne sais plus quoi, en tout cas des choses illicites dans ses valises. Et il a avoué que c'était pour lui et que voilà. Et il a été mis en prison. Et du coup, la tournée, hop, au revoir, tout le monde retourne chez lui. Et McCartney ne s'est pas retourné chez lui et resté à rien faire. Donc, Il en profite. Le groupe n'est pas forcément fini, le groupe Wings, mais il se lance tout seul à se faire un McCartney 2. Pourquoi pas ? Il joue de tous les instruments et fait quasiment toutes les voix. John a dit que c'était du bon boulot de la part de Paul. Paul a dit au journal Billboard qu'il avait entendu dire que son ancien compagnon d'écriture avait eu envie de se remettre dans la course après avoir entendu cette chanson. Cette chanson, c'est Coming Up sur RIG. Find for me someone strong and sweet fitting on my knee. She can keep her job if she gets it wrong. Ah, but Mr. Marks, I won't need her long. All I need is help for a little while. You can take dictation and learn to smile. And a temper need a I don't need a true romancer. She can be a diplomat, but I don't need a girl like that. She can be a neurosurgeon if she's doing nothing urgent. What I need's a temporary, temporary secretary. Qu'il a fallu apprivoiser. Une ode à l'électropop qui montre que Paul s'intéresse à tout. Et oui, en 1980, rappelez-vous, pour les anciens, c'était plutôt les synthés, sans arrêt les synthés. Et ben, Paul s'est mis au synthé pour essayer de faire quelque chose dans le goût du moment. Et 35 ans après la sortie de McCartney 2, le 23 mai 2015, Paul a joué cette chanson à l'O2 Arena de Londres et ça a fait un tabac. Il a joué pendant un an dans sa playlist, il l'a gardé pendant un an. Et nous, on a pu l'entendre à Paris. Et contre toute attente, Temporary Secretary en live, ça donnait vachement bien. dark and gonna see. Paul McCartney a aussi fait des duos durant sa carrière solo. Il a fait par exemple un duo avec Stevie Wonder pour Ebony and Ivory. Ce sont des paroles simples, une ode à la fraternité avec donc Stevie Wonder comme je l'ai dit. Et c'est un hit, une très belle chanson. On écoutera ensuite Say Say Say avec un certain Michael Jackson. What we need to survive together alive. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Side by side on my piano keyboard. Oh. Vous êtes bien sur RIG 90.7 ou www.rigfm.fr. C'est la saga numéro 569. On va arrêter après cette saga pendant 2 mois et on reviendra début septembre pour la 40e saison et la 570e saga, évidemment, sur cette radio RIG 90.7, qui est la radio des Beatles, mais là, plus particulièrement ce soir, la radio de Paul McCartney. Pour CCC, on peut vous donner un fait amusant. Cette chanson a été enregistrée à peu près un an avant le duo de McCartney-Jackson, That Girl Is Mine, sorti sur l'album Thriller de Michael Jackson. Mais cette chanson, CCC, est sortie un an après l'album Thriller. Mais c'est aussi l'occasion de voir Paul McCartney en vidéo sur MTV. À l'époque, c'était la chaîne des plus grandes stars, donc McCartney se devait d'y figurer. Nous sommes en 1984 maintenant. Un slow, s'il vous plaît, et pas n'importe quel slow. I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel. I know what I feel to Les années 80 ont été dures pour ceux qui ont vécu les années 60, je parle des stars. Et McCartney en a fait partie de ces gens-là qui ont été traités de vieilles idoles déjà, de légendes dépassées. Alors que non, toujours pas. Et pourtant, même s'il a eu un petit creux, on va dire. Et même, moi je mets des nuances parce qu'il a quand même sorti des disques, il a sorti des 45 tours. Il a même fait un album qui est resté dans l'ombre, qui s'appelle le Pizza, je sais plus quoi. Mais c'est dommage, en 1987, c'était bien. On l'a, nous, l'album, on a la saga, mais il y a de bons trucs dedans. Il fait toujours de la qualité, Paul McCartney. Mais il va falloir attendre 1989 pour le grand retour de Paul McCartney. D'abord, le retour dans les tournées, et ça, tant mieux, parce que ça m'a permis, moi, d'aller le voir à 25 ans et de trouver bêtement que ce vieux, entre guillemets, de 47 ans se débrouillait encore bien en 1989. Tu parles, oui, j'en ai 59 maintenant et il était donc tout jeune à 47 ans. Bon, ceci mis à part, l'album Flowers in the Dirt avec cette chanson My Brave Face, on lui dit « mais ça sonne comme les Beatles » et il répond « mais oui, mais s'il y a des gars qui ont le droit de sonner comme les Beatles, c'est bien mes potes et moi quand même, parce qu'on a fait partie des Beatles ». La première piste du disque et le premier single donc de Flowers in the Dirt, c'est My Brave Face. Cette chanson annonçait le retour de Paul sur le devant de la scène et sa collaboration avec Elvis Costello qui lui rappelait un peu sa relation avec John. Écoutez cette chanson, ça sonne Beatles, c'est vrai, rien à dire. scared me away, you know you did. I've loved her all so long. So why don't you come right out and say it's stupid? She makes me do things I don't want to do. I don't know why I should be telling you. I know that you want it too. My intentions are quite sincere. That's not what you said the other night. And all you can do is fear. So go ahead and kid yourself, you're right. She makes me do things I don't want to do. I don't know why I should be telling you. I know that you want it too. I've got a better chance than you do. On va rester un petit peu d'abord sur RIG, bien sûr, et sur l'album Flowers in the Dirt de 1989, parce qu'il recèle de perles, de fantastiques diamants. Là, c'était un duo avec Elvis Costello, mais il y a d'autres très très belles chansons. Je vais pas vous passer l'album en entier, parce que sinon on est là jusqu'à minuit. Je sais, vous aimeriez bien qu'on soit là jusqu'à minuit, mais j'ai travaillé avant. On reste donc sur cet album avec... The day is done sur RIG. I feel such sorrow, I feel such shame. I know I won't arrive on time before whatever out there is gone. What can I do? That day is done. It's just a promise that I made. I said I'd walk in her parade. Hot scorn and tears I thought would flow. Still in my heart, they'll never show. That day is time and place when they announced her precious face. I thought at once my heart would burst. Still every time is like the first. There was applause when she stepped up day is done. That's why she walks, oh, so they say. She always knew just what I needed. How if she would just look my way one time before they proceed? She's praying those flowers in the dirt. That's when a thrill becomes a hurt. I know I'll never see her face. She walks away from my resting place. That day is done. That day is done. You know Paul McCartney a dit au sujet de son retour en tournée, et après il n'a plus jamais arrêté de faire des tournées, il a dit qu'il attendait d'avoir un bon album pour bien repartir en tournée. Est-ce qu'il n'aurait pas été boosté, peut-être, par le succès de l'album Cloud Nine de George Harrison en 1987, voire même le succès de Traveling Wilburys un an plus tard? Allez savoir. En tout cas, Paul McCartney est revenu et n'est jamais reparti. Voici This One, toujours extrait de Flowers in the Dirt. Et c'est sur RIG, bien sûr. Did I ever take you in my arms, look you in the eye, tell you that I do? Did I ever open up my heart, let you look inside? If I never did it, I was only waiting for a better moment that didn't come. There never could be a better moment than this one. This one, this one is gliding above the ocean. A god is riding on his back. How calm the water and bright the rainbow, fade this world to black. Did I ever touch you on the cheek, say that you were mine, thank you for the smile? Did I ever knock upon your door, try to get inside? A god is riding upon his back. How calm the water and bright the rainbow, fade this world to black. What opportunities did we allow to flow by, feeling like the timing wasn't quite right? What kind of magic might have worked if we'd stayed calm? Couldn't I have given you a better life? ocean. What God is writing upon his back. En 1989, Paul revenait avec une énergie créatrice renouvelée, justement. Et la preuve, c'est que même une phase B chez Paul McCartney, il faut les veiller, il faut les chercher, il faut les trouver et il faut les acheter, bien entendu, parce que les phases B sont toujours, toujours bonnes avec Paul McCartney. La phase B de, comment s'appelle-t-il, My Brave Face, en 1989, c'était ce titre-là, Flying to My Home, sur RIG. Flying to my home, home. Flying to my home, home, home, home. pendant toute la soirée et jusqu'à cette chanson, vous avez pu juger des qualités de voix de Paul McCartney. Contrairement à bon nombre de chanteurs actuels, même qui ont une carrière de 20 ans ou 30 ans, qui la plupart du temps chantent toujours pareil, McCartney sait moduler sa voix. Il sait chanter des rocks puissants, des ballades tranquilles ou être nasillard comme là dans Flying to My Home. Et on adore parce que quel talent ce Paul McCartney. Et je dis ça, je pense être totalement objectif. Voilà. Pas du tout parce que c'est mon chouchou. Non, non, non, non, non. Vous écoutez la saga des Fab Four et on va revenir un tout petit peu en arrière. En 1988, Paul McCartney fait un album juste pour les Russes. Ça s'appelle, excusez mon accent russe, Choba BCCCP. C'est certainement pas comme ça qu'on le prononce en russe. Mais je parlais de 1988. En 1991, heureusement, et c'est là qu'on reprend la chronologie, cet album revient pour le reste du monde. Il n'est pas resté en Russie, même si moi j'ai l'album avec toutes les chansons écrites en russe. Et il est sorti en CD pour le reste du monde. Il y a des rocks. Choba BCCCP, ça veut dire Back in the USSR en russe. C'est un album initialement destiné aux fans, c'est comme je l'ai dit. Il revenait aux chansons que les Beatles chantaient à leur début dans les bars. 20 Flight Rock vient d'Eddie Cochran dans le film The Girl Can't Help It en 1956. C'est aussi la chanson que Paul joua à John quand les deux se sont rencontrés. Et voici la chanson 20 Flight Rock sur R.I.G. Attendez, peut-être. Oui, alors je ne vais pas pouvoir vous passer celle de... Je vais en trouver une autre rapidement. Celle de Choba BCCCP est refusée. En voici une autre. Ne cherchez pas cette chanson, elle fait partie de mon grenier cadenassé dans un coffre-fort. Elle n'existe pas officiellement, d'accord ? C'était Paul McCartney qui se remémorait sa jeunesse et il l'a fait également, toujours en 1991, avec la première chanson écrite par Paul. Il l'a jouée dans le style de Buddy Holly une seule fois lors de son show MTV Unplugged en 1991. D'ailleurs, ce show s'appelait Unplugged, The Official Bootleg, le bootleg officiel. C'est quand même assez drôle. Il a plaisanté sur les paroles, se rappelant qu'il n'avait que 14 ans à l'époque. Voici cette chanson pendant ce show live en 1991. Well, I woke up late this morning. My head was in a whirl. that's it. Thank you, thank you. We never did it because of that line, her hair wouldn't always curl. Couldn't handle that line. Still, there you go. Okay. Voilà, il a expliqué qu'il n'aimait pas cette phrase-là. Nous sommes en 1997, Calico Skies. It was written that I would love you from the moment I opened my eyes, and the morning when I first saw you gave me life under calico skies. I will hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my life. Always looking for ways to love you, never failing to fight at your side, while the angels of love protect us from the innermost secrets we hide. I'll hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my life. Crazy soldiers who were born under calico skies, may we never be called to handle all the weapons of war we despise. I'll hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my life. As long as you like, I love you for the rest of my, for the rest of my life. Une chanson produite par Paul et George Martin. La chanson démarre comme une tendre chanson d'amour et continue comme une protest song en parlant des soldats et de la guerre. Nous étions en 97, 2 ans plus tard, 1999, la tragédie. Linda meurt en 1998 et Paul, comme à chaque fois qu'il est vraiment dans l'embarras, il revient aux bases. Run Devil Run est un album de reprises de rock'n'roll pré-Beatles. Il y a ajouté 2 chansons. Et ce sont des perles. Voici une de ces chansons-là, Try Not to Cry, sur RIG. Sometimes I'm right, sometimes I'm wrong. How can I help it if I don't know the song? All day I try to be a man. Help me to do it, show me the plan. I want to enjoy being alive. Don't want to leave before I arrive. I like to sing, I'll sing along. How can I do it if I don't know the song? Try. fly. It's a desert in a deep up ahead. I saw a woman walking across the sand. She'd been walking 30 miles en route to Bombay to meet a brown-eyed handsome man. Her destination was a brown-eyed handsome man. Way back in history, 3,000 years back, ever since the world began, there'd been a whole lot of good women shedding tears over a brown-eyed handsome man. A lot of trouble was a brown-eyed handsome man. Don't wanna get hurt. Driving Rain en 2001, ça a marqué la relance de Paul avec de nouvelles chansons suite à la mort de chansons studio suite à la mort de Linda. On entend son angoisse et sa tristesse dans ce titre. L'album marque aussi sa première collaboration avec le batteur Abbé Laboriel Jr. et le guitariste-bassiste Randy Anderson qui allait devenir la base de son groupe pour les tournées à venir. Et quelle tournée! Sky. Your life is fine, it's sweet and sour, unbearable or great. You gotta love every hour, you must appreciate. This is your time, this is your day. You've got it all. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. Melted tin beads cast your fortune in a glass of wine. Snail or fish, balloon or dolphin, see your silver shine. This is your time, this is your day. You've got it all. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. In the vanilla, in the vanilla sky. In the vanilla, in the vanilla, in the vanilla sky. In the vanilla sky. 2001, une météorite, Vanilla Sky, extrait de la bande originale du film du même nom, Vanilla Sky, avec la belle Cameron Diaz et Tom Cruise, pas mal, mais bon, c'est pas ma tasse de thé, enfin, je parle pour la beauté du bec. Sinon, en tant qu'acteur, il est très fort. Bref, on s'en fout, c'est la saga des Fab Four, ça n'a rien à voir avec le sujet. Nous abordons la perle, l'immense chef-d'œuvre des années 2000 de Paul McCartney. L'album Chaos and Creation in the Backyard. Il a fallu choisir seulement très peu de chansons, sinon on est ensemble jusqu'à minuit, voire davantage. Je vous en ai choisi quelques-unes, les voici. One, two. There is a fine line between recklessness and courage. It's about time. Understood which road to take. It's a fine line, and your decision makes a difference. Get it wrong, you'll be making a big mistake. Come home, brother. All is forgiven. We all cried when you were driven away. Come home, brother. Everything is better. Everything is better when you come home and stay. Gotta see. like so many girls. Jenny Wren could sing, but a broken heart took a song away. Like the other girls, Jenny Wren took wing. She could see the world and its foolish ways. How we spend our days casting love aside, losing sight of life day by day. Breaking up a home, wounded warriors took a song away. La chanson suivante date de la même époque, mais je pense qu'elle n'est pas restée sur l'album Chaos and Creation in the Backyard, tout simplement parce que le style ne correspondait pas à l'ambiance de l'album. Cette chanson-là, je l'aime énormément, c'est Summer of 59, sur RIG 90.7. C'est la radio de Paul McCartney. In the summer of 59, dandelions shine up to the pavement. Petal pushes in the bushes, waspy pinches 16 inches round the waist, and it's all in the name of good taste. In the summer of 59, dandelions shine up to the pavement, pressing socks and fishnet stockings, dirty combs from mighty homes the girls are chased. And it's all in the name of good taste. Good taste, nobody knew what we knew then. Good taste, look at the boys turn into men. Good taste, nobody knew what we knew then. Look at the girls turn into women. Look at the girls turn into women. Some of the girls turn into women. Candlelight shine up through the pavement. Council houses drained by trousers, ciggy packs and long black jackets. Ties are laced, and it's all in the name of good taste. Good taste, nobody knew what we knew then. Good taste, look at the boys turn into men. Good taste, nobody knew what we knew then. Look at the girls turn into women. Ooh, look at the girls turn into women. Ooh, some of the girls turn into women. Ooh, in the summer of 59. En 1990, George Michael écrit une, et enregistre une chanson pour l'album Listen Without Prejudice, volume 1, en hommage à McCartney et les Beatles. Cette chanson, c'est Heal the Pain. McCartney a clairement apprécié le compliment et l'a réenregistré avec lui en 2006, 16 ans plus tard. Voici la chanson avec les deux chanteurs et avouez que ça apporte un plus à la chanson. I can heal the pain that you feel inside whenever you. nous arrivons en 2007 et l'album Memory Almost Full. La plupart de cet album-là a été fait en solo à la McCartney, McCartney 2 et plus tard McCartney 3. Cette chanson montre Paul jouant de la mandoline et en chantant tout en jouant de la guitare, de la basse, des synthés, des percussions et de la batterie. Cette chanson a été inspirée par la vue de sa fille Béatrice en train de danser et c'est l'une de ses meilleures de ce millénaire. Dance Tonight est la suivante qui est ma préférée de l'album Ever Present Past. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Tonight, everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Yeah, everybody's gonna jump and shout. Everybody's gonna sing it out. Everybody's gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. Rappelez-vous, Paul McCartney, 65 ans, qui danse sans un instrument dans le clip. I've got too much on my plate. Don't have no time to be a decent lover. I hope it isn't too late. Searching for the time that has gone so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. I've got too much on my mind. I think of everything to be discovered. I hope there's something to find. Searching through the time that has gone so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. The things I think I did. I think I did. But the things I think I did when I was a kid. I couldn't understand the words that they were saying. But still I hung around and took it all in. I wouldn't join in with the games that they were playing. It went by, it went by in a flash. It flew by, it flew by, in a flash. far too much on my plate. Don't have no time to be a decent lover. I hope it's never too late. Searching for the time that has come so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. The things I think I did. I think I did. The things I think I did when I was a kid. The things I think I did when I was a kid. When I was a kid. Un an plus tard, quand Paul veut créer de la musique plus étrange que celle qu'il propose habituellement, il réactive le projet Fireman. Le troisième opus de ce personnage-là, The Fireman, est plus rock que les deux précédents et il chante enfin. Voici la chanson Nothing Too Much Just Out of Sight sur RIG, la radio de Paul McCartney. RIG, c'est 90.7 et c'est www.rigfm.fr. j'ai triché un peu sur la chronologie pour pouvoir vous passer une autre chanson dans le même style. Collaboration avec les membres survivants de Nirvana, Paul s'est essayé à la voix hurlante, la Little Richard ou Jerry Lee Lewis. C'est l'une des chansons les plus lourdes que Paul ait jamais chantées. Cut Me Some Slack avec Dave Grohl, Paul McCartney et d'autres. Je suis pas très très fan de ce style-là, mais enfin... La réflexion que je vais porter sur ce titre-là n'engage que moi. L'année précédente, là nous étions en 2013 pour ce morceau Cut Me Some Slack. L'année précédente, en 2012, Paul McCartney sort Kisses on the Bottom avec une voix fatiguée, avec des morceaux lents, tranquilles. Est-ce qu'il a voulu sortir ce morceau « Cut Me Some Slack » pour montrer qu'il n'était pas fini, qu'il était encore un très bon rocker, qu'il était encore capable de hurler? C'est possible, il faudrait lui demander. En tout cas, voici ce que ça donnait pour essayer de reprendre la chronologie. Un an avant, je vous propose « My very good friend, the milkman said ». Tranquille, tranquille. I'm a very good friend, the milkman says that I've been losing too much sleep. He doesn't like the hours I keep, and he suggests that you should marry me. My very good friend, the mailman says that it would make his burden less if we both had the same address, and he suggests that you should marry me. Then there's a very friendly fellow who prints all the latest real estate news, and every day he sends me blueprints of cottages with country views. All my very good friends, the neighbors say that they've been watching little things I do, and they perceive that I love you. So I suggest that you should marry me. Then there's a very friendly fellow who prints all the latest real estate news, and every day he sends me blueprints of cottages with country views. All my very good friends, the neighbors say that they've been watching little things I do, and they perceive that I love you. So I suggest that you should marry me. J'aime bien la remarque de Christine sur le groupe Facebook La Saga des Fab Four. Elle dit « C'est Paul McCartney touche à tout ». Oui, c'est vrai, puisque là, en 2012, un album calme, Kisses on the Bottom. En 2013, la violence de Cut Me Some Slack. Et puis un album dans lequel il y avait, il partait un petit peu dans tous les sens, l'album New, avec cette chanson de sa jeunesse, enfin, qui évoquait des jeux dans sa jeunesse. Queenie Eye, sur RG. arrivant en 2018 et le nouveau chef-d'œuvre hein, par décennie sans problème avec Paul McCartney. Nouveau chef-d'œuvre que j'estime être l'album Egypt Station. Et cette chanson, Fool You, une bonne chanson pop dont le titre ambigu à souhait l'a peut-être empêché d'être un hit. Voici la chanson. Come on, baby, now. Let me look at you. Talk about yourself. Try to tell the truth. I could stay up half the night trying to crack your code. I could stay up half the night, but I'd rather hit the road. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just wanna know. We work it out. I won't let you down. So you don't need to shout. I could stay up half the night playing with your head. I could stay up half the night, but I'd rather go to bed. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just want. yes I will, yes I will now. Bientôt la fin de la saison, bientôt la fin de la 569e édition de la saga des Fab Four sur RIG 90.7. Voici une chanson qui, dans les années 70, aurait certainement fait un hit avec un public plus sensible à la musique pop. Une chanson extraite, enregistrée en tout cas, pendant les sessions des Jib Station. Voici Home Tonight, c'est sorti un an après. I'm taking you home tonight. I wanna make sure that you're alright. Looks like a go-go wind is blowing in. I'm taking you home tonight. We're like a train that's left the tracks. The world is falling apart. I can't be held to pull it back. But tell me where to start. I'm taking you home. Nous arrivons au dernier album en date pour l'instant, 2020, McCartney 3. Encore deux chansons et ce sera la fin de la saga des Fab Four. Must fix the fence by the acre plot. Two young foxes have been nosing around. The lambs and the chickens won't feel safe until it's done. I must dig a drain by the carrot patch. A

Il fallait que ça se termine. Merci d'être resté aussi longtemps. Et puis, bah écoutez, on se retrouve dans 2 mois. N'oubliez pas que lorsqu'Eric, que je remercie encore une fois, me cède une partie de son émission, il y a, comme qui dirait, un petit bonus après. Alors, j'espère que l'ordinateur tiendra le coup jusqu'au bout. Mais restez là, restez là. Merci en tout cas d'être resté pendant 3h30 à n'écouter que du McCartney. Et encore, j'aurais pu en mettre beaucoup plus, beaucoup plus. Ça a été une torture de choisir pour en mettre si peu en 3h30. Merci vraiment à toutes et tous et passez de bonnes vacances. Et on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures au mois de septembre. Salut et parlez-en autour de vous. Ciao. When the moon lays his head on a pillow and the stars settle down for a rest, just do me one small favor, I beg you, please play me my baby's request. It's the song that we heard when we started. Now the birds have all flown from our nest, but you could bring back memories departed by playing my baby's request. My baby said that she knows how it goes, but you're the one that really knows, so come ahead. Just one more time and then we'll go to bed. But you could bring back memories departed by playing my baby's request. My baby said that she knows how it goes, but you're the one that really knows. So go ahead, just one more time and then we'll go to bed. When the moon lays his head on a pillow and the stars settle down for rest, just do me one small favor, I beg you, please play me my baby's request. Play me my baby's request. Please play me my baby's request. Rendez-vous en septembre.